sous le ciel. Je ne siffle pas, c'est pas pareil. J'écoute le vent, la pluie, c'est romantique. J'écoute le vent, la pluie, je panique. T'as dit dans ton sommeil, à qui tu parles quand je me réveille? Pour qui sont ces sourires sur ta bouche? Qu'est-ce que je fais là moi? Je me couche, j'écrase ma tête sous mes pensées. Je balance mon cœur juste à côté. Qu'est-ce qu'il se passe sous tes paupières? Là c'est pas moi qui suis derrière. Ça se bouscule dans mes artères, ça gronde un tremblement de terre. Je suis sûr que tu n'es pas seul, et si je passe, je gueule. Qu'est-ce que t'as bougé tout le temps? Qu'est-ce qui te donne cet air content? Si on partage les mêmes draps, pourquoi je ne suis pas avec toi? Sous le ciel, je ne siffle pas, c'est pas pareil. J'écoute le vent, la pluie, c'est romantique. J'écoute le vent, la pluie, je panique. Sous le ciel, je ne siffle pas, c'est pas pareil. J'écoute le vent, la pluie, c'est romantique. J'écoute le vent, la pluie, je suis panique. Sur ma blessure, de l'huile bouillante sur une brûlure. Je traîne dans l'appartement, d'ici à là je perds mon temps. Toi tu t'enivres dans notre lit, tu sais même pas que je suis sorti. Toi tu t'enivres dans notre lit, tu rêves à qui? J'attends en bas sous le ciel, je ne siffle pas, c'est pas pareil. J'écoute le vent, la pluie, c'est romantique. J'écoute le vent, la pluie, je panique. Pourrait être moi, moi je ne rêve plus à toi. Et si tu n'es plus dans mes cieux, mais qui se cache derrière tes yeux? En bas maintenant tout est froid, je vais retourner sous les draps. Tu me regarderas en souriant et tu m'embrasseras tendrement. Elle t'embrassera tendrement. j'ai t'aimé une deuxième fois. La première est partie trop vite. Le feu est faible, mais pas trop froid. Une bonne braise et ça crépite.